n'arrête pas de se mentir. Un couple c'est pas fait pour tenir. C'est juste un éphémère plaisir. Pour le reste on devrait s'abstenir. J'ai jamais été aussi malheureux que lorsque j'étais amoureux. Que je suivais les plans foireux de nos tristes aïeux. Qu'on baisse avant de crever. Baiser sans se faire baiser. Maintenant je peux l'avouer, je ne t'aimerai jamais. Je ne t'aimerai jamais. Je t'ai peut-être choqué, abîmé. Moi l'amour m'a bousillé. En fait c'était pas vraiment lui. Qu'importe, je tombe au fond du puits. Tu peux laisser la route tracée. Je vais juste contempler ton petit cul qui s'en va. Je vais le regretter un peu comme ça. Qu'on baisse avant de crever. Baiser sans se faire baiser. Maintenant je peux l'avouer, je ne t'aimerai jamais. Je ne t'aimerai jamais. J'ai bien arrêté de mentir. Je veux pas encore m'apesantir. Je veux pas encore te retenir. Pas d'avenir, faut juste s'abstenir.